j'explose le rap, la ceinture est ventrale. Lève ton bras si t'as la mentale. Parce qu'ils nous traitent de vandales. En vrai ça range tout le monde, c'est comme la vandale. J'explose le rap, la ceinture est ventrale. Lève ton bras si t'as la mentale. Parce qu'ils nous traitent de vandales. En vrai ça range tout le monde, c'est comme la vandale. Allô alors petit moucheron, je fais ça vite fait bien fait. Vite fait bien fait. Je sais que ça t'excite en vrai. 23 bougies, pas un radis, je suis pas ravi, m'faut mailler. Moi je perds ma vie à essayer de la gagner. J'ai effrayé car j'ai manié la langue française, les mots et leur poids. Ta bande, ta thèse atteste mes flots et ma voix. Ma prestance reste vraie, qu'est-ce que tu crois? C'est pour les frères avec ou sans alcool, ceux qui marchent pas droit. Sauce à l'emploi, vote au racisme, au délit de faciès. À part si t'as un bon pied droit, bienvenue au pays de la haine. Putain, c'est débile en fait, comme l'homme peut être bête en y pensant. Limite j'en gère, ils diront que j'en fais tout un cinéma, mais c'est eux les pitres. Que Dieu les guide, choisis ton camp, choisis ta vie ainsi que tes amis. Avec autrui t'as tous les permis, encore faut-il apprendre à bien se conduire. J'explose le rap, la ceinture est ventrale. Lève ton bras si t'as la mentale. Parce qu'ils nous traitent de vandales. En vrai ça range tout le monde, c'est comme la vandale. J'explose le rap, la ceinture est ventrale. Lève ton bras si t'as la mentale. Parce qu'ils nous traitent de vandales. En vrai ça range tout le monde, c'est comme la vandale. Ce soir encore c'est PD Schmitt, nous on nique terre. Bah, qu'est-ce que tu veux faire cap, les contrôles sont abusifs. Ouais les mecs, les decks sont impulsifs. Ce soir c'est bâtard, on mis une gifle à rime. Je sais pas pourquoi, je te raconte nos lères, gars. C'est ainsi de suite, je suis intuitif et là je le sens pas. Mais je m'en plains pas, ils nous aiment pas, on les aime pas. Ouais ouais on s'aime pas, mais je m'en balance, rap ce que je pense, nique la douce France. Et je sais d'avance qu'un jaloux va cliquer j'aime. Fais les 100 pas, tous les jours dans la rue, à se raconter les soirées de la veille, à se rappeler de ce qu'on a bu, ou ce qu'on a fait pour un plan oseille, un plan qu'on cesse pendant notre semblant de sommeil. Ben ouais, je dors plus, non, moi j'ai plus le temps, l'ami. Faut que je fasse des disques d'or, que je mette ma daronne à l'abri. J'explose le rap, la ceinture est ventrale. Lève ton bras si t'as la mentale. Parce qu'ils nous traitent de vandales. En vrai ça range tout le monde, c'est comme la vandale. J'explose le rap, la ceinture est ventrale. Lève ton bras si t'as la mentale. Parce qu'ils nous traitent de vandales. En vrai ça range tout le monde, c'est comme la vandale. Ce n'est pas un avertissement, mais juste un constat. Je crois que c'est pour ça qu'on se bat. Porter notre pierre à l'édifice avant qu'on se bat.